Vous êtes de retour à Futur Simple, toujours sur les douces ondes de CKRL au 89.1. Alors, en première partie d'émission, nous avons parlé de l'utilisation des outils de télécommunication pour fournir des soins de santé. Disons que les télécommunications sont des outils assez perfectionnés et que pour en arriver là, dans un lointain passé, notre espèce a appris à utiliser des outils bien plus primaires. Mais nous ne sommes pas les seuls animaux à utiliser des outils et même à fabriquer peut-être des outils. Et c'est ce que nous allons voir avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite en biologie à l'Université Laval, spécialiste de l'évolution et du comportement animal. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, on a tous plus ou moins entendu déjà un petit peu parler de singes qui utilisent des brindilles, des petites branches pour aller chercher des termites dans les termitières. Mais il y a peut-être d'autres exemples d'animaux qui utilisent des outils et pour d'autres buts également, dans d'autres objectifs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, il y a plusieurs autres exemples, mais c'est presque toujours pour cueillir de la nourriture ou avoir accès à la nourriture à laquelle on ne pourrait pas avoir accès ou plus difficilement autrement, sans l'outil. Mais il existe aussi des outils qui servent au combat, c'est plutôt rare. Ah oui? Des chimpanzés qui lancent des branches ou qui lancent des cailloux. Qu'on peut considérer un outil, même si l'outil n'a pas été fabriqué, il a simplement été... C'est un objet qu'on trouve par terre. Mais quand même, l'idée de détendre une extension de la main là, pour donner un coup. Ça fait partie de la définition d'un outil, dans le sens que ça ne fait pas partie du corps de l'animal, et l'animal arrive à accomplir quelque chose qu'il ne pourrait pas accomplir sans l'objet en question. Et dans les outils, moi, j'inclus des choses comme la toile de l'araignée. Ah, ou le barrage d'un castor. Ah, parce que voilà un objet qui ne fait pas partie du corps de l'animal et qui permet d'accomplir quelque chose qu'on ne pourrait pas accomplir autrement. Donc, c'est un outil. C'est vrai. Et ces exemples consistent en ce qu'on appelle le phénotype extracorporel. Alors, expliquez-nous, là. Le phénotype, c'est tout ce qui est encodé par les gènes. Alors, c'est les yeux, les pattes, la fourrure, etc. Donc, l'apparence, Y compris le comportement, la physiologie. Le génotype, le phénotype, dans le fond, c'est tout ce qui n'est pas les gènes, qui est encodé plus ou moins directement par les gènes. Donc, la toile d'une araignée, ça fait partie du phénotype de l'animal. La forme de la toile est caractéristique de l'espèce. C'est produit par le corps de l'animal. Donc, si on recule un pas de plus, ben, c'est produit par les gènes indirectement. C'est son comportement qui... Mais c'est ça. Mais c'est produit par l'intermédiaire du comportement, comme le barrage du castor. Donc, ça fait partie du phénotype. Et donc, c'est un outil, un objet qui ne fait pas partie du corps et qui permet d'accomplir quelque chose d'inédit. Mais c'est... Donc, tout ça pour dire que l'outil n'est pas nécessairement un objet fabriqué par la main et utilisé et tenu par la main comme un couteau ou un marteau. Plein d'autres choses sont des outils. Et l'utilisation d'un objet dans l'environnement, c'est très courant aussi chez plusieurs espèces. Je pense à une espèce d'oiseau rapace d'Afrique qui s'appelle le gypaète barbu. C'est comme un vautour à peu près, charognard, qui se nourrit d'os. Et parfois d'os très, très gros de mammifères et qui est incapable d'avaler l'os tout d'un coup. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'os dans ses serres, il vole en hauteur et puis il le laisse tomber sur une roche. Donc, une grosse roche qui est fixe. Donc, voilà un outil, encore une fois, qui permet d'avoir accès à de la nourriture. Donc, là, l'os se fracasse en plusieurs fragments. L'animal avale le fragment d'os, donc il peut avoir accès à la moelle de l'os. Ou un autre rapace africain qui, lui, prend dans ce cas-là un petit caillou dans son bec et le lance sur un œuf d'autruche pour casser l'œuf. Donc, dans le premier cas, on a une grosse roche fixe. Ensuite, on a une petite roche mobile. C'est le même principe. C'est le même principe. Un objet trouvé dans l'environnement, utilisé pour avoir accès à de la nourriture. Je pense aussi, peut-être l'exemple d'outil le plus rudimentaire qu'on peut imaginer. Vous savez, les poissons cracheurs qui viennent à la surface de l'eau et qui lancent un jet d'eau sur un insecte posé sur une branche juste au-dessus de l'eau. Encore là, c'est un outil, ça ne fait pas partie du corps et ça permet d'avoir accès à la nourriture. Mais ça fait presque partie du corps, c'est une sécrétion du corps. Mais ce n'est pas une sécrétion du corps, c'est que l'animal prend de l'eau. Il lance un jet d'eau. Ça nous rappelle le geste d'un caméléon qui lance sa langue très longue pour attraper l'insecte. Mais dans le cas du caméléon, on ne parlerait pas d'un outil puisque ça fait partie de son corps. Mais dans le cas du poisson, Il prélève de l'eau et il l'envoie. Il prélève un objet, objet liquide, mais c'est quand même un objet qu'il a prélevé puis qu'il a lancé. Donc, il y a plein d'exemples, mais dans la plupart des cas, c'est pour avoir accès à la nourriture à laquelle on n'aurait pas accès autrement. Il y avait aussi, je crois, un singe qui prenait des roches pour casser, pour aller chercher une noix ou... Les chimpanzés. Ouais, les chimpanzés, il y a une espèce de singe d'Amérique du Sud aussi qui le fait, les capucins. Mm-hmm. Mais le singe, c'est surtout le chimpanzé qui utilise une roche, un caillou, pour casser des roches, des noix qui autrement seraient inaccessibles. Mm-hmm. Et il utilise parfois même un creux d'une racine ou une autre roche qui sert d'enclume. Donc, un marteau et une enclume. On commence à penser un petit peu. Là, c'est un peu plus sophistiqué parce que le chimpanzé ne fait pas n'importe quoi avec le caillou qu'il a utilisé une fois. Il le laisse à l'endroit, sachant, on imagine, qu'il va le retrouver la saison suivante ou le lendemain ou dans une semaine pour encore casser les roches. Donc, c'est un outil. On ne voit jamais le chimpanzé qui transporterait le caillou venant de très loin pour venir casser des noix quelque part. Il prend les cailloux qui sont là, mais il ne prend pas n'importe quel caillou, un caillou qui tient bien en main, et puis il va réutiliser toujours le même enclume et le même caillou à répétition. Mmh. Donc là, on est plus sophistiqué que cracher de l'eau. Mmh. Et est-ce qu'on parle d'outils qui sont fabriqués dans certains cas? Dans le cas du barrage du castor ou de la... Si vous acceptez ma définition du barrage de l'outil incluant le garage de castor, là, c'est fabriqué, c'est sophistiqué, ça se fabrique sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est entretenu sur plusieurs années, et ça peut être une construction qui est très, très grande. Là. J'ai déjà vu dans le nord québécois, dans la région de la baie James, des barrages de castor de près d'un kilomètre de long. Ouais. Donc, ça peut être très, très long, qui se construit sur plusieurs générations. Mm. Normalement, c'est relativement rare qu'un outil est fabriqué. Mm-hmm. Et quand les outils sont fabriqués, c'est une fabrication très rudimentaire. Alors, l'exemple qu'on évoquait tantôt, une brindille, un bout de branche pris par un chimpanzé, il choisit une brindille en particulier, il la taille de la bonne longueur. Parfois, il peut la déchirer pour la mincir un petit peu. Mm-hmm. Donc, il y a une certaine fabrication, mais qui est quand même rudimentaire. Mm-hmm. Et c'est peut-être l'exemple le plus sophistiqué de fabrication qui fait pas partie des exemples comme le barrage de castor. Il choisit quand même la bonne branche, la branche la plus adéquate quand même. Il choisit la branche la plus adéquate et il la modifie légèrement. Ouais, donc, mais c'est rudimentaire, mais il y a quand même une modification. Ce qui implique que l'animal est conscient que tel quel, l'objet ne serait pas performant. Ouais, c'est ça. Donc, il le modifie. Il faut la travailler un petit peu. Donc, on imagine qu'il est capable d'imaginer l'utilisation qu'il va en faire dans les minutes suivantes ou dans les secondes suivantes. Il y a une notion un peu d'anticipation. D'anticipation, de projet, d'intention. Ouais, c'est indéniable, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et alors, dans ces cas d'outils, comme cette branche, cette brindille, ou l'oiseau qui lâche sa pierre sur les noix, je ne sais plus. Sur un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche, c'est ça. Est-ce que les oiseaux ou les animaux l'apprennent par eux-mêmes ou est-ce qu'ils l'apprennent en voyant leurs parents faire? Mais si on les isole de leurs parents, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils vont savoir le faire ou est-ce qu'ils ont besoin de l'apprendre de leurs parents? Bien, dans la plupart des cas observés, l'animal doit avoir vu et quelqu'un d'autre le faire, un congénère le faire. Mm-hmm. Et donc, par observation et ensuite tentative d'imitation, l'animal arrive à le faire. Mm-hmm. Donc, c'est pas inné, comme on dirait, c'est pas instinctif, c'est une question d'apprentissage, par observation et imitation. Mais je ne connais aucun cas où il y aurait un enseignement. Oui, c'est ça, c'était ma question suivante. Ouais. Est-ce que les parents ou les congénères font quelque chose pour enseigner aux jeunes? On voit pratiquement jamais ça. Non, on voit pas. Les exemples qu'on cite, c'est en dehors du sujet des outils. C'est un félin, par exemple, une lionne qui va attraper une antilope, une petite antilope, et puis qui la tuera pas tout à fait, qui va l'apporter semi-vivante ou blessée à ces lionceaux qui vont s'entraîner à essayer de tuer l'antilope. C'est à peu près le meilleur exemple qu'on connaît, qu'on pourrait qualifier d'enseignement. Mm-hmm. Mais sinon, dans tous les cas, c'est observation et imitation. Mm-hmm. Alors, le chimpanzé, par exemple, face à des chimpanzés qui utilisent un caillou pour casser des noix, on imagine, puis c'est observé un peu, les premières fois, il voit sa mère, par exemple, qui casse des noix avec une roche. Donc, il découvre que dans cet objet dur, il y a de la nourriture. Mm-hmm. Au début, il essaie de la casser avec ses dents, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Éventuellement, il observe et il imite sa mère, puis au début, il est très, très peu performant. Mais éventuellement, il devient un expert casseur de noix, lui aussi, à son tour, qui va être imité par les autres. Mais il n'y a pas d'enseignement, là. Mm-hmm. C'est observation et imitation. Essai, ouais. Mm-hmm. Et est-ce qu'au sein d'une même espèce, il va y avoir différentes populations, différents groupes d'animaux, est-ce qu'ils vont tous faire utiliser l'outil de la même façon ou est-ce qu'il va y avoir des variantes? Alors, ça peut être des variantes, je ne sais pas, soit parce que le milieu, l'environnement ne leur donne pas les mêmes arbres, donc les mêmes brindilles ou les mêmes pierres, voilà. Ou des variantes culturelles parce que le premier qui a eu l'idée et qui n'a voilà. pas eu la même idée dans le groupe d'à côté. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Dans le cas des chimpanzés, le cas le mieux étudié, le mieux observé, il y a des populations de chimpanzés où on casse des noix avec des roches, puis il y a des endroits où on n'en casse pas du tout. On ne considère pas ça de la nourriture, c'est pas disponible. Ou des endroits où l'enclume, c'est un creux dans une racine. À d'autres endroits, l'enclume, c'est toujours une roche. Donc, il y a des petites variantes qu'on est presque obligé de considérer culturelles, puisque c'est l'apprentissage. Puis dans ce cas-ci, on peut peut-être considérer qu'il y a eu un premier individu qui a inventé l'activité. Comme on le voit dans d'autres circonstances, un des cas classiques, c'est les macaques japonais qui lavent les tubercules dans l'eau de mer pour enlever le sable qui s'est dessus. Là, on sait que c'est une femelle en particulier qui l'a fait une première fois, puis les autres dans la même population l'ont imité. Dans la population à côté, ou dans le groupe plus loin, à quelques kilomètres, personne ne le fait. Personne ne l'a fait. Personne n'y a pensé, entre guillemets. Personne. personne n'y a pensé, donc personne ne le fait. Et alors que dans le premier groupe, une femelle y pense, ou le fait accidentellement, on ne sait pas trop exactement. Mm-hmm. Et puis là, les autres se rendent compte qu'il se passe quelque chose de nouveau, ils l'imitent. Mais là, ça demande un niveau d'intelligence assez élevé pour pouvoir comprendre que je peux imiter ce comportement-là et que ça va être favorable, ou on le fait par essai et erreur. Donc ça, c'est relativement rare. Et est-ce que, je me demandais si au sein... donc il y a des différences entre des groupes, donc des différences culturelles, mais est-ce que ça peut arriver qu'au sein d'un même groupe, il y ait des individus qui utilisent des outils et d'autres qui ne le font pas? J'imagine que ça peut arriver, mais je pense que ça doit être relativement rare, en tout cas chez les primates, chez les singes qui utilisent des outils, parce que l'animal est un observateur de premier ordre. Tout dans son milieu se passe presque par la vue. Donc, puis un animal suffisamment intelligent, entre guillemets, pour réaliser qu'il y a quelque chose d'avantageux là, s'il voit un congénère qui a accès à de la nourriture auquel on ne peut pas avoir accès autrement. J'imagine que la grande majorité des individus vont le faire. Je peux difficilement imaginer. C'est un animal qui vit plusieurs années en contact intime avec ses congénères. Si dans le groupe, il y a toute une majorité d'individus qui le font, je peux difficilement imaginer que certains individus s'en soucient pas du tout ou font pas le lien qu'il y a quelque chose d'utile à faire là avec l'outil. Je pense que la majorité des cas, tous les individus l'utilisent. Parce que je me demandais s'il pouvait y avoir des individus qui développaient plus d'habileté pour faire leurs outils ou pour l'utiliser, et donc s'il pouvait y avoir des spécialisations au sein d'une même groupe. Oui, comme pour tous les comportements le moindrement sophistiqué, il y a des différences dans la qualité de la performance. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ou qui apprennent plus vite, ou qui vont un peu plus loin, ou qui le font plus rapidement, ou donc, ça fait partie des différences individuelles, comme les différences de force physique ou d'acuité visuelle. C'est sûr qu'il y a des individus qui comprennent plus vite puis qui sont plus habiles que l'autre. Et encore une fois, toujours conditionné par la sélection naturelle. Si le comportement favorise énormément bien la survie et éventuellement la reproduction, l'individu va subir une pression pour devenir plus performant. Pour s'en soucier davantage. Oui, parce que j'essaie de me projeter chez nos lointains ancêtres. Puis il y en avait qui taillaient des pierres, il y en avait qui taillaient peut-être des lances de flèches, je ne sais pas. Puis il y a dû y avoir une spécialisation à un moment donné. Certains le faisaient mieux que d'autres et on leur a conféré ce devoir d'allumer le feu parce qu'ils étaient plus doués pour le faire, ou de tailler les pierres parce qu'ils étaient mieux le faire. Donc il y en a qui devaient être. Il y a eu une sorte de spécialisation. Donc je me demandais s'il y avait aussi, si on pouvait observer cette spécialisation un peu chez les animaux À mon avis, beaucoup moins chez les autres espèces animales, parce que, encore une fois, la fabrication de l'outil est très rudimentaire. Ça ne demande pas un doctorat là, pour casser en deux une brindille pour pêcher des termites. Alors que dans le cas des humains, on imagine qu'au tout début, les outils étaient du même genre que le chimpanzé avec son caillou qui casse une noix. Donc, un objet trouvé dans l'environnement qu'on évalue approprié, qu'on ne modifie pas du tout, qu'on utilise comme tel. Les premiers outils chez l'humain étaient probablement de cet ordre-là. Puis éventuellement, ce qu'on considère vraiment comme les plus anciens outils chez l'humain, trouvés en Tanzanie, qui remontent à peu près à 2,5 millions d'années chez Homo habilis, que Louis Liquet a appelé habilis, justement, parce qu'on va dire, ben voilà, il était habile. Ouais. C'est simplement un galet qu'on a frappé contre un autre galet et ça produit une arête tranchante. Mm-hmm. Et les premiers outils sont comme ça, si bien que quand on les regarde, au début, on ne réalisait pas que c'était un outil, c'était très, très, très simple. Donc là, quand l'outil est aussi simple que ça, on imagine que n'importe qui dans le groupe qui a vu quelqu'un le faire est capable de prendre deux galets, les frapper. Peut-être que certains individus étaient un petit peu plus habiles à faire un tranchant un peu plus performant. Mais quand on arrive aux outils suivants, là, ce qu'on appelle les bifaces, inventés par probablement Homo erectus 1 million d'années plus tard, donc à peu près... quand même 50 000 générations plus tard, donc ouais, ça a pris du temps quand même. Mais là, l'objet est très sophistiqué, il a toujours la même forme, ça implique que l'individu choisit bien le matériel, choisit bien la roche, d'une certaine taille, d'une certaine sorte de roche, et ça implique que l'animal a une image mentale très claire de l'objet qu'il va fabriquer. Comme le sculpteur qui sculpte dans le marbre voit déjà d'avance la sculpture qu'il va réaliser. Donc, l'animal est capable d'anticiper. Et l'animal a aussi acquis l'habileté par la pratique à faire cet objet-là. C'est pas pour rien que les bifaces ont toujours la même forme générale, sont taillés sur les deux côtés. Là, on est dans un outil très sophistiqué, beaucoup plus loin que les brindilles de chimpanzés. Donc là, on imagine qu'il y avait une spécialisation des tâches. C'est très facile d'imaginer que certains individus étaient très habiles à choisir le matériau brut approprié et à le tailler correctement. Donc là, il devait y avoir des tailleurs de pierre qui étaient spécialisés pour faire des outils. Alors, est-ce que c'est comme ça que se sont développés un petit peu les métiers chez les humains? Parce que... On peut le dire, je pense. Comme on disait tantôt, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des gens habiles à conserver le feu ou à allumer le feu. Puis, on leur confiait cette tâche-là ou ils le faisaient... Des chasseurs, parce qu'il y a ceux qui étaient plus habiles. Il y a ceux qui étaient habiles à faire l'outil, puis il y a ceux qui étaient habiles peut-être à l'utiliser. Oh oui, absolument. C'est peut-être des choses différentes. Absolument. Donc, à partir du moment où le comportement est de plus en plus sophistiqué, c'est facile d'imaginer qu'il y a des spécialisations. On est plus habile à le faire ou on a une disposition naturelle ou une prédisposition. Donc, c'est pas difficile d'imaginer, quoique là, on était en train de spéculer. Là. On n'était pas là. On n'était pas là. Mais c'est facile d'imaginer qu'il y avait des gens plus habiles que d'autres à tailler la pierre à partir du moment où la taille requiert une grande habileté. Oui, ben c'est pour ça. Je faisais ces spéculations-là et je me demandais si dans le monde animal, on avait des observations qui pouvaient nous montrer des prémices de ce genre de... Mais on n'en est pas là. Ils n'en sont pas là. Ils font juste prendre finalement une brindille, à le couper, puis à regarder. Ben, juste prendre une brindille, la tailler, puis s'en servir, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Mais c'est relativement simple. Donc là, il y a peut-être des individus qui ont une prédisposition naturelle, qui aiment davantage les termites, par exemple, ou qui l'ont fait davantage, ou qui sont plus âgés, sont plus expérimentés, mais ça se limite à ça. On n'aura pas, chez les chimpanzés, une académie de taillage des brindilles pour chasser, pour pêcher les termites, puis quelqu'un qui va les distribuer, puis qui va en retirer un avantage. Non, il n'y a rien de ce genre-là. Et si on en revient donc à votre définition plus large de l'outil, donc le barrage ou la toile d'araignée, donc comment vous appelez ça? Un phénotype externe? Phénotype extracorporel. Extracorporel. Alors, est-ce que, si on revient à nous humains, est-ce que vous pouvez dire que toute la société qu'on a construite est comme un phénotype extracorporel? Absolument. Avec ses maisons, ses voitures, les rues et tout. Exactement. Les fusées. Exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait presque affirmer qu'un Boeing 747 ou une voiture ou un iPhone, ça fait partie du phénotype extracorporel de l'humain. Donc, si on fait un pas de plus, c'est en partie encodé dans les gènes. Mais d'une façon très indirecte et très lointaine. Attention, il n'y a pas des gènes pour construire une voiture. Mais, c'est grâce à notre génotype, c'est grâce à notre héritage génétique qu'on est capable éventuellement de construire des outils de plus en plus sophistiqués et arriver jusqu'à un avion ou une fusée. Donc, c'est pas faux de dire ça. Ça fait partie de notre phénotype. Mais ça soulève la question peut-être intéressante de savoir qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est artificiel. Parce que chez les autres espèces, les outils sont fabriqués avec des objets naturels, un caillou, un bout de bois, une brindille, etc. Alors que chez nous, souvent, les outils sont fabriqués avec un matériel qu'on a fabriqué. Le métal, un pneu de voiture en caoutchouc, etc. Et on va même un pas plus loin. L'humain fabrique des outils pour fabriquer d'autres outils. Mm. Et ça, on ne voit rien de ça chez les autres espèces. On est très loin des brindilles, encore une fois, du chimpanzé. Fabriquer le matériau et fabriquer l'outil pour fabriquer d'autres outils, ça, c'est, ça nous met vraiment dans une classe à part. Mm. Donc, faut pas, je pense qu'il ne faut pas adhérer à l'idée qui dit... vous savez, dans le passé, on disait l'humain est caractérisé, entre autres, parce qu'il fabrique des outils. Et là, on commence à observer des animaux qui fabriquent des outils, puis on se dit, ben voilà, l'humain n'est pas différent des autres, on est, puisque les autres aussi fabriquent des outils. Mais on est dans un... C'est une différence de degré, si on veut, une différence quantitative, mais on atteint un niveau de différence tel que c'est une différence qualitative, là, c'est une différence de sorte. Un chimpanzé qui lance une branche, c'est pas du tout comme un groupe d'humains qui lance un satellite. Mm-hmm. C'est pas, même si le geste est le même, c'est, ça n'a rien à voir, là. On est dans une catégorie à part. Oui, oui. Ben, c'est fort, fort passionnant de faire finalement, de comparer, de faire finalement ce saut là, de l'animal jusqu'à nous et de, en parlant de l'utilisation de l'outil et de voir, de considérer que finalement, peut-être les maisons qu'on a construites sont comme. Sont des sortes d'outils, comme le barrage. Comme la hutte du castor. Comme un nid. Vous savez, les termites construisent des nids très sophistiqués, souterrains, de très grande taille, climatisés, température et humidité constantes. C'est vrai. C'est très sophistiqué pour un animal qui a un cerveau, et qui n'a même pas de cerveau. Ça veut dire qu'il y a des ganglions qui font office de cerveau. Mais nous, c'est fondamentalement, c'est la même chose. Mais on est allé beaucoup plus loin, évidemment. Mm. Encore une fois, le fait d'être capable de fabriquer un outil dont l'objectif est de fabriquer un autre outil, ça, c'est, c'est puis fabriquer des matériaux qu'on ne trouve pas dans la nature. Mais ça nous amène, encore une fois, à la discussion de qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel. Puisque l'humain fait partie de la nature, un Boeing 747, c'est naturel. Donc, une réflexion sur notre place dans la nature et qu'est-ce qui nous distingue des autres espèces. Ouais, effectivement, c'est une question des fois où on en a déjà parlé un petit peu. Est-ce qu'on fait encore partie du processus de sélection naturelle? La réponse est non. C'est ça. Donc, sont des questions qu'on aborde à chaque fois un petit peu. On revient toujours au même. Quelle est la nature de l'humain? C'est toujours la même question. D'accord. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion de la poursuivre lors de notre prochaine rencontre dans 4 semaines, peut-être. Pourquoi pas? Alors, je vous remercie beaucoup, Cyril. Donc, je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite en biologie à l'Université Laval.